Chapitre 43e. On était réunis dans le hall de Tangley Manor, en attendant l'heure du déjeuner, et Elizabeth Hartman ne paraissait pas. Miss Blake en fit l'observation, disant qu'elle s'étonnait qu'on sortît par un pareil temps. Morton riposta qu'elle n'avait pas dû s'aventurer loin, car Parangon était dans son box à s'ébrouer. Miss Blake reprit qu'elle ne s'expliquait pas ce retard de la part d'Elizabeth, qui était l'exactitude personnifiée. La cloche sonna, et de Miss Hardman point. Tout le monde se leva pour passer dans la salle à manger. À ce moment, un laquais vint remettre une lettre à Miss Blake. « Comment ? Mais c'est l'écriture de Lizzie » s'écria-t-elle. « Que peut-elle me vouloir ? Miss Hardman est-elle dans sa chambre ? Non, madame, elle est sortie ce matin de très bonne heure. À pied, par une pluie pareille ? Elle avait son waterproof et son sac de voyage. Un sac de voyage ? Mais où donc allait-elle ? Chez quelques malades, probablement. » dit Miss Blake en déchirant vivement l'enveloppe. Puis elle lut tout bas la lettre suivante. « Pardonnez-moi, ma bien bonne et chère protectrice, la peine que je vais vous faire. Mais je me vois forcée de quitter Tangley pour toujours. Lorsque je pourrai écrire avec plus de calme, j'essaierai de vous expliquer ma conduite. Je ne le puis maintenant. Je sais que vous avez confiance en moi. Il est donc superflu de vous assurer que je ne ferai jamais rien qui ne soit digne de l'éducation et des principes que vous m'avez donnés. Je vais chercher asile chez d'honnêtes travailleurs. Bien que je sois obligé par la force des choses de passer ma vie loin de vous, j'espère que vous ne douterez jamais de l'attachement inaltérable que je vous ai voué et des sentiments avec lesquels je suis votre éternellement reconnaissante Elizabeth Hardman. P.S. J'ai une faveur à solliciter de vous, c'est de ne communiquer à personne le contenu de cette lettre. » Chacun fut frappé, en observant Miss Blake, de voir combien sa physionomie s'était assombrie en prenant connaissance de cette lettre. Mais on se garda bien d'en rien dire. Morton fut le premier à rompre le silence en demandant à sa tante, avec un très grand sang-froid, pour quel motif Elizabeth avait ainsi quitté Tangley. « Pour aller voir des amis à Blackford. À pied par un temps pareil ? Au nom du ciel, dites-moi quel est le vrai motif qui l'a fait agir ainsi. » Sa lettre, mon cher Morton, n'entre dans aucun détail à ce sujet. Soyez bien persuadé pourtant qu'elle avait de bonnes raisons pour le faire. Quelle est son adresse à Blackford ? J'irai savoir tantôt ce que tout cela signifie. Je ne saurais vous le dire. Comment ? Pas d'explication, pas d'adresse. Il y a là de soi un mystère que je veux pénétrer à tout prix. Elle m'annonce prochainement une seconde lettre. Ne vous tourmentez pas, Morton. Lisez à la personne du caractère le plus droit, de la conduite la plus irréprochable que je connaisse. Fût-elle sage comme Minerve, je n'en trouve pas moins qu'elle a fait une folie aujourd'hui. La conversation fut très languissante pendant le reste du repas. Un embarras réel régnait entre les convives, qui ne desserraient guère les dents que pour manger. Chacun paraissait avoir hâte de recouvrer sa liberté. Morton, visiblement contrarié, faisait retomber sa mauvaise humeur sur tout ce qu'on lui présentait, disant que tout était mal tué, mal cuit, mal servi. Jamais on ne l'avait vu aussi grincheux. Au dessert, lorsque les domestiques se furent retirés, sa mauvaise humeur éclata. Mettant les coudes sur la table, il s'écria. « Maintenant que nous voilà en famille, nous pouvons parler. Dites-moi, je vous prie, ma tante, à quoi vous attribuez la conduite d'Elizabeth ? A-t-elle des parents malades, de pauvres protégés en danger de mort ? Je n'en sais absolument rien, mon cher Morton, sa lettre ne le dit pas. Montrez-la-moi, je vous en supplie. Elle a été écrite dans un moment de surexcitation, en grande hâte. Avez-vous peur que je n'y trouve des fautes d'orthographe ou de ponctuation ? Riposta-t-il en s'efforçant de rire, un rire qui trahissait la colère plutôt que la gaieté, et qui ne donna le change à personne. « Passez-moi cette lettre, » répéta-t-il d'un ton impérieux. « Je veux la lire, c'est mon droit. »« Le droit ?» se récria Miss Blake. « Vrai, Morton, je ne vous comprends plus. »« Elizabeth Hardman est ma fille adoptive, mais que vous êtes-elle à vous ? Bien peu de choses, il me semble. »« Une amie à qui j'ai voué une reconnaissance éternelle. » Clémentine et Horatia se regardèrent d'un air significatif. Ah, le cheval et la voiture n'étaient que les avant-coureurs de la corbeille de noces. Horatia, qui avait la langue encore mieux pendue que sa sœur, ouvrit le feu. « On aurait pu supposer, » dit-elle d'une voix aigre comme du vinaigre, « que vous n'aviez que faire de confier à une sœur d'adoption le rôle de secrétaire, quand la nature vous en a donné d'autres qui sont assez instruites dans l'art de parler et d'écrire correctement pour remplir cet office. « Pas plus que Clémentine. Vous ne consentiriez jamais à faire pour m'obliger le sacrifice d'une de vos matinées. C'est que nous n'avons pas le même gain à en tirer. » que celle dont vous regrettez si amèrement l'absence. Ce qu'on fait dans l'espoir de gagner un gros lot à la loterie matrimoniale n'a pas sa raison d'être entre frères et sœurs. » Ces derniers mots ayant achevé d'ouvrir les yeux de Morton, il s'écria « Ah ! Maintenant je vois pourquoi Elisabeth est partie. Ma tante, sa lettre. Je vous en conjure, sa lettre. » Et se disant, il s'était levé précipitamment et tendait les mains vers Miss Blake d'un air d'autorité. Elle remit le pli à son neveu sans dire mot. Elisabeth sera partie d'ici à la suite d'une vive contrariété, d'une querelle. « Indifférence a-t-il produit entre vous ?» dit-il en s'adressant à tante Dora. « Ni différent, ni nuage, ni contestation d'aucune sorte ne s'est jamais élevé entre Lizzie et moi. Avec vos sœurs, c'est autre chose. Si elles le voulaient, il ne tiendrait qu'à elles de vous fournir une explication au sujet du brusque départ d'Elisabeth. » « En effet, » reprit Morton, « je l'ai laissée tantôt entière entre vous. Que s'est-il donc passé dès que j'ai été parti ?» Elle s'est emballée à propos d'une niaiserie et a quitté le salon comme si elle avait le mort aux dents, dit Horatia d'un ton dégagé. « Je ne croirais jamais qu'une niaiserie, comme vous dites, suffit pour faire jeter ainsi à Elisabeth le manche après la cognée. C'est un esprit trop pondéré pour se fâcher sans rime ni raison. L'égalité et la douceur de son caractère ne se sont jamais démenties depuis que je la connais. Oh, avec vous, c'est différent. On est tout miel et tout sucre. » Quant à moi, reprit Miss Blake, je l'ai toujours trouvée d'une patience angélique, et Dieu sait pourtant que vous lui rendiez la vie dure. Pauvre Elisabeth, s'écria Morton, il est clair qu'elle n'était ici qu'un souffre-douleur, qu'une victime, alors que je la croyais si heureuse. Je suis honteux de votre égoïsme, de votre dureté. On ne se conduit pas ainsi. Eh bien, nous ne vous imposerons pas plus longtemps le fardeau de notre présence. Demain matin, nous quitterons Tangley Manor pour Hylea, que vous nous prêtiez ou non un de vos véhicules. Libre à vous, repartit froidement Morton. À coup sûr, ce n'est pas moi qui vous retiendrai. Après cette explication, il quitta la salle à manger et resta dehors presque toute la journée. Au lieu de rentrer dans le salon, c'est vers le boudoir de Miss Blake qu'il se dirigea. Il la trouva occupée à écrire. Que comptez-vous faire, ma tante, au sujet de Lizzie ? Demanda-t-il. J'écris en ce moment à son oncle Joseph Hardman. Qu'est-il de son métier ? Mécanicien. J'imagine qu'Elisabeth a souvent dû lui faire part de ses petites économies. Elle est si bonne, si généreuse. Oui, on peut dire que son intelligence n'a d'égal que son grand cœur. Il faut qu'elle sache, et sans plus tarder, que ni vous ni moi ne consentirons jamais à ce qu'elle quitte Tingley. D'où vient l'antipathie de mes sœurs contre elle ? Elle n'a, je crois, d'autre raison d'être que la jalousie. La haute estime où nous la tenons, l'attachement qu'elle nous inspire, les droits qu'elle a à votre reconnaissance, leur portent évidemment ombrage. Elle s'imagine avoir en elle une rivale préférée. En cela, elle ne se trompe pas, du moins en ce qui me concerne. Le présent de la voiture et du cheval a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si je puis me servir de cette comparaison. Dans leur fureur, elles auront peut-être été jusqu'à reprocher à Elisabeth de jeter sur vous des visées matrimoniales. Elles doivent cependant savoir que le mariage ne peut être pour moi qu'un souvenir mêlé de regrets. Il n'est pas sans exemple, cependant, qu'une blessure comme la vôtre se ferme, et qu'un homme trouve le bonheur là où il était à 100 lieues de le chercher. Rien dans ma conduite, ni dans celle d'Elisabeth, ne peut fournir matière à pareille supposition. Je le sais, mon ami. J'irai demain la chercher à Blackford, et je la ramènerai. Que ne diraient pas vos sœurs, grand Dieu, en pareille conjoncture ? Si vous m'en croyez, c'est moi qui me chargerai de cette démarche. C'est vrai, cela vaudra mieux à tous égards, et je vous en serai éternellement reconnaissant. Il n'y a certes pas là matière à reconnaissance, car j'y trouve aussi bien mon compte que vous. Cette pauvre enfant m'est si chère. Pendant que ces paroles étaient échangées entre la tante et le neveu, Elisabeth Hardman s'éloignait de Tangley Manor, le cœur bien gros. Mais son orgueil, justement offensé, lui donnait force et courage pour dominer son chagrin et ne pas faiblir dans l'exécution de son dessein. Ses nerfs tendus à l'extrême, son cerveau surexcité, ne faisaient qu'aggraver la lutte qu'elle se livrait à elle-même. Pour la première fois, elle monta dans un wagon de seconde classe, car du jour où Elisabeth Hardman était devenue l'enfant adopté de Miss Blake, elle l'avait fait participer à tous les privilèges de la fortune, comptant bien lui laisser un jour en avoir suffisant pour soutenir les habitudes de confort dont elle avait toujours joui. Dans l'acte d'adoption passé entre la famille Hardman et Miss Blake, il avait été stipulé que l'enfant ne conserverait de relation avec ses parents que par lettre, en sorte qu'elle n'en connaissait aucun de vue. Arrivée à Blackford, la pauvre Elisabeth résolut d'aller à pied jusqu'à Milton Street, où demeurait son oncle. La pluie avait cessé, les derniers rayons d'un beau soleil couchant empourpraient tout le ciel. Élisabeth marchait d'un pas rapide. Les rues lui paraissaient d'une longueur interminable. Les forges et les fabriques se succédaient avec une monotonie désespérante. Elle finit par arriver au 23 Milton Street. Elle frappa. Son cœur battait à tout rompre. Quel accueil allait-on lui faire? J'espère qu'ils m'aimeront, dit-elle en entendant résonner dans un corridor les pas de la personne qui venait lui ouvrir la porte.